Ils écrivent et en plus ils causent. Présenté par K00. Bonjour, aujourd'hui l'émission « Ils écrivent et en plus ils causent » vous présente Elisabeth Vincent. Elisabeth malheureusement n'a pu être avec nous pour cause de problèmes techniques, donc je vais vous lire un petit texte qui nous parle d'elle, ce sont ses mots, c'est elle qui l'a écrit, et ensuite je vous lirai un de ses poèmes. Je m'appelle Elisabeth et j'ai 39 ans. Je vis en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à Dinan. Je suis la maman de deux petites chipilles, et quand elles me laissent un peu de temps, je m'adonne à ma passion, l'écriture de romans, des histoires d'amour, d'amitié et surtout d'aventure. J'ai un roman publié aux éditions lemanuscrit.com, le titre est « La mémoire du temps ». Et j'ai un deuxième roman qui, pour l'instant, est chez GLG Éditeur et dont on attend les réponses. Voilà en ce qui concerne ma biographie. Pour le poème qui va suivre, je l'ai écrit après qu'une amie m'ait confié ses problèmes de cœur et ses espoirs, ses doutes. Cela m'a inspiré, et si en est le résultat. Si. Où es-tu, mon bel amant? Si loin de moi t'emporte le vent, le destin se joue de nous. Il s'amuse et me met à genoux. Combien de fois me suis-je demandé si tu savais vraiment que j'existais, si dans ton cœur, comme dans le mien, un vide profond gouverne en redoutable souverain. Je me meurs jour après jour, loin de tes regards, loin de ton amour. Tes sourires me transportent dans un monde meilleur, où je m'enivre de rêves aux mille et une douces saveurs. Si tu entends ma voix, toi qui tournes et tournes autour de moi, un jour, je te le promets, je serai là. Et ce vide profond se remplira. Car rien ne sert de lutter en vain, car rien n'est plus certain. Toi et moi sommes faits pour nous rencontrer. Montre-moi le chemin, et je saurai te trouver. Elisabeth Vincent. Voilà, je vous ai donc présenté Elisabeth Vincent en solo pour aujourd'hui. Au revoir à tous et à demain. Musique, slow relaxation, Alban Le Psy, licence art libre.